بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc ceci est le cours numéro 4 dans la lecture du livre Fath al-Rahim al-Malik al-Allam de l'imam Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et donc, dans la suite des cours, ou dans la suite du livre, le shir ici donc entre maintenant dans l'explication des noms splendides d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont venus dans le Coran. Il va les expliquer de façon simplifiée, inshallah ta'ala. Et le premier nom donc que le shir va aborder est le nom Allah. Le shir nous dit Allah, هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى. Donc il nous dit Allah, ce noble nom et ce beau nom est le plus illustre des noms splendides d'Allah subhanahu wa ta'ala. بل قيل إنه الاسم الأعظم. Et il a même été dit que le nom Allah est le plus grand des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui, comme je vous ai dit dans le cours précédent, celui par lequel, si on l'invoque, il exauce l'invocation. Donc il a été dit que c'est celui-là, le nom le plus grand par lequel, si on l'invoque, Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation. Puis le shir dit « وَسَيَأْتِ التَّنْبِيهُ عَلَى الْإِسْمِ الْأَعْظَمِ عَنْ قَرِيبٍ إِنْشَاءَ اللَّهِ » Mais nous allons parler de ce plus grand nom prochainement dans la suite donc du livre, Inch'Allah, si Allah le veut. وَلِهَذَا تُضَافُ جَمِيعُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى إِلَى هَذَا الْإِسْمِ وَيُوصَفُ بِهَا فَيُقَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِلَى آخِرِهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَلَا يُقَالَ اللَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى آخِرِهَا. Donc ensuite là le cheikh il nous dit que c'est pour cette raison du fait que donc le nom Allah est le plus illustre des noms splendides et qu'il a été dit que c'est le nom le plus grand par lequel, si on l'invoque, il exauce l'invocation. C'est pour cette raison que tous les autres noms splendides sont affiliés à ce nom, au nom Allah, et il est qualifié par eux. Donc on dit Ar-Rahman. D'ailleurs ici je fais une petite parenthèse avant de poursuivre la traduction pour expliquer la manière dont je vais procéder par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est un domaine très subtil. Concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, je les dirai en arabe, puis je donnerai la traduction rapprochée qui en a été donnée dans les éditions du Coran qui ont été édiquées, les éditions Afwan de traduction des sens du Coran tel qu'on peut le trouver dans la traduction éditée par le complexe du roi Fahd en Arabie Saoudite, à Médine. Donc, je me baserai sur cela pour la traduction des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si je ne suis pas convaincu par la traduction qui en est donnée, à ce moment-là, je garderai le nom en arabe et nous prendrons donc l'explication qu'on a donnée Cheikh Abdelrahman Al-Saadi ici, qui remplacera donc la traduction. L'explication remplacera la traduction pour certains noms pour lesquels je n'ai pas été convaincu par la traduction. Et s'il le faut, j'apporterai l'explication de d'autres grands savants sur ces noms. Inch'Allah ta'ala. Donc il nous dit le shir que donc, tous les noms splendides d'Allah subhanahu wa ta'ala sont affiliés et sont affiliés au nom Allah et il est qualifié par eux. Et c'est pour cela il nous dit le shir que l'on dit Ar-Rahman, traduit par le tout miséricordieux, Ar-Rahim, traduit par le très miséricordieux, Al-Khaliq, traduit par le créateur, Al-Raziq, le pourvoyeur, Al-Aziz, le puissant, Al-Hakim, le sage, etc. Tous ces noms, on dit, font partie des noms d'Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Raziq, etc. Tous ces noms font partie des noms d'Allah et on ne dit pas Allah fait partie des noms du tout miséricordieux, Allah fait partie des noms du très miséricordieux, etc. Donc, ça c'est une des explications que le shir donne pour lesquelles donc, le nom Allah a été reconnu comme étant le plus illustre des noms splendides, car tous les autres noms sont rattachés à lui et viennent le qualifier. Puis il nous dit le shir, فَمَعْنَى Allah, كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. La signification du nom Allah, comme nous dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'Allah l'agrée, Ibn Abbas, donc ce noble compagnon, qui était un des plus grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et duquel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou le compagnon pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la compréhension du Coran et la compréhension de la religion. Ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous dit que la signification du nom Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient la divinité et l'adoration sur toutes ses créatures. Celui qui détient la divinité et l'adoration sur toutes ses créatures. Puis le cheikh nous dit, فجمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله. Il nous dit le shir que Ibn Abbas radiallahu anhuma, dans cette explication du nom Allah, il a associé d'une part donc la caractéristique relative à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce nom, qui est la divinité, la caractéristique de la divinité, et qui est donc une caractéristique qui est indiquée par le nom Allah. Le nom Allah subhanahu wa ta'ala indique donc cette caractéristique de divinité. Donc, Ibn Abbas, ici, il nous dit, il a associé, donc d'une part, entre cette caractéristique de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède et détient. Puis, comme le cheikh va l'expliquer un peu un peu plus bas. Il a associé cela, d'une part, avec, d'une autre part, la caractéristique qui revient aux créatures et qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de s'adonner à l'adoration d'Allah. Donc, cette explication d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, radiallahu anhuma, elle a associé ces deux choses. La caractéristique relative à Allah, qui est la divinité, et la caractéristique relative aux créatures, qui est de s'adonner à son adoration. Lorsqu'Ibn Abbas, il dit, Allah signifie celui qui détient la divinité, ça c'est d'une part, et l'adoration sur toutes ses créatures, ça c'est d'une autre part. Donc le cheikh, il nous dit que Ibn Abbas, son explication, c'est par cela qu'elle se distingue, par le fait qu'il a associé ces deux choses. Il a associé donc la caractéristique relative à Allah, qui est la divinité, indiquée par le nom Allah. Kama dalla ala al-ilm alladhi huwa wasfuhu lafdhul 'alim. De la même façon que le nom Al-Alim, le nom d'Allah Al-Alim, c'est-à-dire l'omniscient, il est indiqué par Afwan. Tout comme le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim, l'omniscient, indique la caractéristique de la science, qui est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama dalla 'ala al-'izzati allati hiya wasfuhu lafdhul 'aziz. Et de la même façon, le nom Al-'Aziz, le puissant, indique la caractéristique de la puissance qui est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama dalla 'ala al-hikmati allati hiya wasfuhu lafdhul hakim. De la même façon que le nom Al-Hakim, le sage, indique la caractéristique de la sagesse, qui est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama dalla 'ala ar-rahmati allati hiya wasfuhu lafdhu ar-rahim. Et de la même façon que le nom ar-rahim, le très miséricordieux, indique la caractéristique de miséricorde, qui est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghayruha min al-asma' ad-dallati 'ala ma qama bi-dhati min madlouli sifatiha. Et ainsi tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala indiquent ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala est caractérisé. Fakadhalika Allah huwa dhul-uluhiyya wal-uluhiyyatu allati hiya wasfuhu هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلها بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. Donc de la même façon, il nous dit le shir, le nom Allah, hein, Allah, le nom Allah, c'est celui qui détient la divinité, hein, qui est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la divinité qui est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'attribut immense par lequel Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être un Dieu. Mais carrément, c'est l'attribut par lequel il mérite que nul ne lui soit associé dans cette caractéristique, en quoi que ce soit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut nous dire le cheikh ici, c'est que le nom Allah indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient la divinité, qui détient la caractéristique de divinité. Et c'est par cela qu'il mérite et qu'il est le seul à mériter d'être un Dieu. Et que nul ne peut lui être associé dans cela, dans la divinité. Puis il nous dit le shir, وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. Il nous dit les caractéristiques de la divinité sont toutes les caractéristiques de perfection. Tous les attributs de magnificence, de grandeur, de beauté, de miséricorde, de bonté, de générosité et de bienveillance. Les caractéristiques de la divinité englobent tout cela. Ça englobe toutes les caractéristiques de perfection, tous les attributs de perfection. Que ce soit la magnificence, la grandeur, la beauté, la miséricorde, la bonté, la générosité et la bienveillance. Puis il nous dit le shir, فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلها. C'est par rapport à tous ces attributs et toutes ces caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. فيؤله لأن له أوصاف العظمة والكبرياء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est adoré car il a tous les attributs de grandeur. ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان. Et il est adoré car il est le seul à être doté de la domination suprême et de la seigneurie totale et du pouvoir et de la royauté totale. ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه. Et également, il est adoré car il est le seul à avoir la miséricorde complète et le seul à faire parvenir ses bienfaits apparents et cachés à toutes ses créatures. ويؤله لأنه المحيط بكل شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعزة وقهرا. Il est adoré car il a englobé toute chose, car il a englobé toute chose de sa science, de son jugement, de sa sagesse, de sa bienfaisance, de sa miséricorde, de sa puissance, de sa capacité et de sa domination. ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه. Et il est adoré car il est le seul à détenir la richesse absolue et totale à tous les points de vue, tout comme tout ce qui existe en dehors de lui a besoin de lui constamment à tous les niveaux. مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره. Tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'Allah pour exister et pour que sa vie soit organisée. مفتقر إليه في إمداده ورزقه. Tout ce qui est en dehors d'Allah a besoin d'Allah pour évoluer et obtenir sa subsistance. مفتقر إليه في حاجاته كلها. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'Allah pour tout, pour toutes les choses dont il a besoin. مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده. Et tout ce qui est en dehors d'Allah a besoin d'Allah pour la plus grande des nécessités, pour le plus grand des besoins et la plus grande des nécessités, qui est le besoin de l'adorer lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh nous dit, فَالْأُلُوهِيَّةُ تَتَضَمَّنُ جَمِيعَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ الْعُلْيَا وَبِهَذَا احْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَالْإِسْمُ الْأَعْظَمُ. Donc, la divinité, l'attribut de la divinité, inclut tous les noms splendides d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les attributs prééminents. La divinité, la caractéristique de la divinité, inclut tous les noms splendides d'Allah et tous ses attributs prééminents. Et c'est avec cela qu'a argumenté, c'est avec cela qu'ont argumenté ceux qui disent que le nom Allah est le plus grand des noms par lequel, lorsqu'il est invoqué, il exauce. Puis le cheikh nous dit, ici il va rentrer donc dans la divergence, ce dont il nous a parlé au début, lorsqu'il a dit que nous allons parler de cela, du nom le plus grand, d'ici peu. Donc là, le cheikh va rentrer donc dans la divergence sur ce nom le plus grand. Il nous dit وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ الصَّمَدْ الَّذِي تَصْمُدُ إِلَيْهِ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ بِحَاجَتِهَا لكمال سيادته عفوا لكمال سيادته وعظمته وسعة أوصافه. Donc il y a des gens, par contre, d'autres ont dit que le nom le plus grand d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel il exauce les invocations, certains, donc d'autres, ont dit que ce nom c'était As-Samad et non pas Allah. Mais ils ont dit c'est As-Samad, celui vers qui toutes les créatures se tournent pour leurs besoins, du fait de sa totale seigneurie et domination et grandeur, et du fait de l'immensité de ses qualités. ومنهم من قال إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم لوروده في بعض الأحاديث ولأن هذين الاسمين العظيمين يتضمنان جميع الأسماء الحسنى والصفات الكاملة. Il dit, et d'autres ont dit que le nom le plus grand, c'est celui qui est composé des deux noms, El Hayyul Qayyum, le vivant, et El Qayyum, celui qui se charge de tout. Celui qui se charge de tout. Pourquoi ils ont dit cela? Ils ont dit, car ceci est venu dans certains hadiths, que ces deux noms étaient, que ces deux noms constituaient le nom le plus grand. Et parce que ces deux noms splendides incluent tous les noms splendides d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les attributs de perfection. Le cheikh, il explique cela en disant فإن الصفات فإن الصفات الذاتية ترجع إلى الحي الذي قد كملت حياته فكملت صفاته وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم لأنه الذي قام بنفسه وقام بغيره وافتقرت إليه الكائنات بأسرها. Donc il dit, en expliquant cela, le shir, car les attributs liés à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala reviennent au nom al-hayy, le vivant, celui dont la vie est parfaite et complète, et de là, ses attributs sont parfaits. Donc ça, c'est d'un côté les attributs liés à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sifat al-dhat. Elles reviennent, il dit le shir, au nom al-hayy, le vivant, car il a la vie totale et complète, et de là, il a les attributs parfaits et complets. Et de l'autre côté, les sifat al-af'al, c'est-à-dire les attributs liés aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux types de sifat, comme disent les ulama, sifat al-dhat wa sifat al-af'al, les attributs liés à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même, et les attributs liés aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sifat al-af'al, les attributs liés aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala reviennent au nom al-qayyum. Le cheikh nous a expliqué que les attributs liés à son essence reviennent au nom le vivant, al-hayy. Et il nous dit ensuite que les attributs liés à ses actes reviennent au nom al-qayyum, celui qui se charge de tout. Car il est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui subsiste par lui-même et qui se charge de tout ce qui existe. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui subsiste par lui-même et qui se charge et s'occupe de toute chose. Donc les attributs d'essence reviennent au nom le vivant, et les attributs liés à ses actes reviennent au nom al-qayyum. Puis le shir nous dit ensuite وقيل في تعيين الاسم الأعظم أقوال أخر. Et d'autres choses ont été dites pour définir le nom le plus grand d'Allah subhanahu wa ta'ala. والتحقيق أن الاسم الأعظم اسم جنس لا يراد به اسم معين. Il dit le shir, selon ce qui lui apparaît à lui, c'est que, en réalité, pour lui, le shir dit que le nom le plus grand, c'est ce n'est pas un nom spécifique. Ce n'est pas un nom spécifique. Puis il explique cela. Il nous dit فَإِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ نَوْعَانِ. Les noms d'Allah sont de deux types. أَحَدُهُمَا مَا دَلَّ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ صِفَتَيْنِ أَوْ تَضَمَّنَ أَوْصَافًا مَعْدُودَةً. Le premier type de nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les noms qui indiquent une caractéristique ou deux, ou qui impliquent des caractéristiques restreintes, un nombre restreint de caractéristiques. والثاني ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني وأوسعها وأوسعها. Il dit, le deuxième type de nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les noms qui indiquent tous les attributs de perfection que possède Allah subhanahu wa ta'ala et qui inclut donc les attributs de grandeur, de magnificence et de beauté. Et il dit donc, c'est ce type de nom qui constitue tous les noms qui rentrent dans cela, dans ce type, constitue donc le nom le plus grand en raison de tous les sens qu'ils contiennent, tous les sens immenses qu'ils contiennent. Puis il nous dit Allahu ismun a'zam wa kadhalika as-samad wa kadhalika al-hayyu al-qayyum وكذلك الحميد المجيد وكذلك الكبير العظيم وكذلك المحيط وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية وهو مقتضى الحكمة وبه أيضا تجتمع الأقوال الصحيحة كلها والله أعلم. Donc il nous dit le cheikh, donc pour terminer sur ce sujet, que de ce fait, Allah est un des noms les plus grands. C'est-à-dire, Allah fait partie des noms les plus grands par lesquels, lorsqu'il est invoqué par eux, il exauce l'invocation. De la même façon, également, As-Samad, celui vers qui toutes les créatures se tournent, également, il dit que ça fait partie. Ceci entre dans le nom le plus grand d'Allah. Et également, Al-Hayyul Qayyum, le vivant, et celui qui se charge de tout. Et également, Al-Hamid, le digne de louange, Al-Majid, le sublime, entre dans le nom le plus grand. Et également, le grand et l'immense entrent dans le nom le plus grand, Al-Kabir, Al-Azim, et également le nom Al-Muhit, celui qui englobe tout, celui qui englobe toute chose. Il dit le shir donc, c'est ce qui me paraît être la vérité, et c'est ce qu'indique cette nomination. Et également, c'est ce qu'implique la sagesse. Et par cet avis, donc, on va réunir entre tous les avis corrects qui ont été cités par les savants. Wallahu a'lam, et Allah est le plus savant. Ça, c'est donc ce que le cheikh a dit. Et le Cheikh Abdel Razak ibn Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad Al-Badr nous dit ici donc en annotation que c'est également l'avis de Cheikh Ben Bez rahimahullah. C'est également l'avis de Cheikh Ben Bez rahimahullah. Wallahu a'lam. Allah est le plus savant. Et nous allons finir le cours donc sur cette dernier, sur ce dernier paragraphe, lorsque le shir dit والمقصود أن هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما يدخل فيها وصفه بالألوهية التي نبهنا هذا التنبيه اللطيف على معنى الألوهية ويدخل فيها وصف العباد وهو العبودية فالعباد يعبدونه ويألهونه قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي يألهه أهل السماء يألهه أهل السماء وأهل الأرض توعا وكرها الكل خاضعون لعظمته منقادون لإرادته ومشيئته عانون لعزته وقيوميته. Donc il nous dit le shir pour terminer le cours d'aujourd'hui. Il nous dit, ce qui est voulu donc ici, c'est que cette explication d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, va rentrer dedans le fait de qualifier Allah subhanahu wa ta'ala par la divinité. Et nous avons expliqué la subtilité qu'il y a dans le sens de la divinité. Et va rentrer dedans également le fait de qualifier les créatures par l'attribut de l'adoration, de s'adonner à l'adoration. Donc les serviteurs vont adorer et diviniser Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il cite en preuve de cela le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, et il est celui, hein, Allah, il est celui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre. C'est-à-dire, dit le shir, c'est-à-dire celui que les gens du ciel et les gens de la terre adorent et divinisent, bon gré, mal gré, tous sont soumis à sa grandeur et soumis à sa volonté et subissent sa puissance et sa domination. C'est là-dessus que nous allons nous arrêter aujourd'hui et bi'ibnillahi ta'ala au prochain cours. Donc, nous terminerons l'explication du shir sur le nom Allah subhanahu wa ta'ala, sur le nom Allah. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.